Cependant, le moment était arrivé où Jésus allait rompre les liens de sa petite fiancée et l'appeler enfin à vivre dans sa maison. Mais avant d'habiter sous le toit de l'époux, je devais passer par une grande douleur en perdant sur la terre le Père que j'aimais d'une incomparable tendresse. Ce fut le dimanche 29 juillet 1894 à 8 h du matin, que le bon Dieu rappela à lui son fidèle serviteur. Il était juste qu'il entrât dans son repos à l'aurore d'un dimanche, lui qui avait, durant sa vie mortelle, sanctifié avec tant d'amour le jour du Seigneur. La veille, mon cher petit père avait reçu les derniers sacrements et le matin de son dernier jour d'exil, une partie du personnel étant allé entendre la messe à la ville voisine, à Évreux, je restais seul à le garder. À 5 h du matin, trouvant sa respiration haletante, on était venu me chercher en toute hâte, mais voyant que l'agonie se prolongeait, il était entendu que nous assisterions à la messe du village quand le premier groupe serait de retour. Quant à moi, je suppliais Jésus de ne pas permettre que je sois absente au moment suprême. Il me semblait que cette dernière consolation m'était due, je l'avais achetée si cher. Je me trouvais seul auprès de mon père chéri. Léonie m'avait quitté en juin 1893 pour rentrer à la Visitation de Caen, quand ma tante vint me rejoindre. Ayant remarqué que le cher malade baissait sensiblement, elle alla chercher mon oncle. Ce fut pendant cet espace de temps que Jésus me donna l'ineffable et inoubliable consolation que je vais décrire. Je n'avais jamais vu mourir personne et j'étais bien en peine de savoir quels étaient mes devoirs à cet instant solennel. La pensée me vint d'exhorter mon père en lui parlant du bon Dieu, mais allait-il me comprendre? Il ne donnait aucun signe de connaissance. Ses yeux étaient fermés et sa respiration bruyante l'empêcherait sans doute de m'entendre. Dans cette perplexité, le cœur plein d'angoisse, je me tournai du côté du ciel pour implorer secours. Alors d'une voix émue je dis ces simples paroles, « Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en paix dans votre sainte compagnie. » Aussitôt ouvrant les yeux, mon cher petit père me regarda. Son regard était plein de vie, de reconnaissance et de tendresse. La flamme de l'intelligence l'illuminait. En un instant, je retrouvais mon père bien-aimé tel qu'il était 5 ans auparavant et c'était pour me bénir et me remercier. Oh, cet éloquent et profond regard, il est gravé pour toujours dans mon cœur comme un gage de prédilection, car le bon Dieu ne peut que ratifier sur moi cette bénédiction d'un père mourant. Après cet ineffable adieu surabondant de promesses, mon père chéri baissa les yeux pour ne plus les ouvrir désormais sur les choses passagères du temps. Aussitôt après sa mort, le reflet de la béatitude céleste reposa sur son front. Son beau visage parut comme transfiguré et tous ceux qui le virent en furent vivement frappés. Pour moi, je soulageai ma douleur dans un flot de larmes, douleur qui n'était pas cependant sans consolation, car je sens intimement la protection, toute spéciale sur moi, de celui dont j'avais partagé la douloureuse vieillesse. Douleur allégée aussi par l'espérance, car je savais que, par cette mort, le Seigneur avait déchiré le sac de tribulation qu'il portait pour le revêtir entièrement de joie, qu'il avait changé ses lamentations en allégresse afin que son âme le chante à jamais. Psaume 30, 12.13. Quelques jours après cette suprême séparation, nous étions de retour à Lisieux. Que d'impressions passèrent dans mon cœur pendant ce voyage où je ramenais sans vie le Père aimé qui avait entouré notre enfance de tant de dévouement et d'exquise tendresse. Et combien j'étais fier d'avoir été choisi par la divine Providence pour essuyer les larmes amères de ces derniers jours et lui rendre en quelque sorte les soins et l'amour qu'il nous avait prodigués. Cette mission, que j'avais eu à remplir, le bon Dieu me l'avait pour ainsi dire fait entrevoir dans un rêve de mon enfance. Une nuit, pendant mon sommeil, alors que mon père était en pleine vigueur, je l'aperçus, vieilli et courbé par l'âge, qui cheminait péniblement au fond d'une voie extrêmement longue. Il marchait sans appui, cependant à quelques pas de lui, Un ange le précédait tenant en sa main un flambeau allumé. Ici se terminait la parabole, mes sœurs, et particulièrement Thérèse y virent l'image de la mission que j'eus à remplir auprès de mon père chéri. Comme l'ange qui ne le soutenait pas directement, mais simplement guidait sa marche, je ne pus hélas le soulager parfaitement dans ses infirmités, particulièrement pendant les 3 années qu'il passa loin de moi. Et cependant par ma présence je n'ai cessé de le conduire, d'éclairer sa voie et c'est moi qui l'ai remis entre les mains de Dieu. Ma noble tâche une fois accomplie, aucun lien ne me retenait plus dans le monde, je pensais répondre sans retard à l'appel du bon Dieu. Je m'ouvrais de ce projet à mes chers carmélites, mais j'avais une révélation à leur faire, révélation à laquelle elles ne s'attendaient pas. Oh que j'ai souffert pour garder mon secret jusqu'à ce jour, surtout à l'égard de ma Thérèse bien-aimée à qui je ne cachais aucune de mes pensées. Elle croyait, mes sœurs chéries, me voir solliciter mon admission au Carmel. Aussi qu'elle ne fut pas leur surprise en m'entendant dire que mon directeur le révérend Père Pichon désirait me lancer dans les œuvres et qu'il m'attendait depuis longtemps au Canada pour fonder une petite congrégation qu'il méditait. Il m'avait fait la défense expresse d'en rien dire à personne. Quant à moi je ne lui avais jamais promis de me rendre à son appel, d'un côté je le laissais entretenir son espoir, tandis que de l'autre je n'avais pas détrompé mes sœurs dans leur conviction que je serais carmélite. J'attendais l'heure du bon Dieu, certaine qu'il me manifesterait sa volonté et ne me laisserait point m'égarer. Je ne fus pas déçu dans mon attente et la décision fut vite prise grâce aux prières et aux larmes de ma chère petite Thérèse. Dans cette circonstance, comme dans toutes les autres, elle fut l'ange envoyé par le bon Dieu pour me faire connaître sa volonté et acheter par ses souffrances les grâces qu'elle m'apporta. Je ne saurais jamais dire ce qu'elle a enduré à cette occasion, elle me confia que de sa vie, elle n'avait tant pleuré, il lui en vint un certain mal de tête si violent qu'elle se demanda si elle n'allait point tomber malade. Souvent depuis elle me reparla de cette grande épreuve où elle avait tant souffert pour sa Céline chérie. Si bien que je puis affirmer qu'elle m'acheta par ses prières et par ses larmes comme sainte Monique acheta son Augustin. Mais pourquoi donc cette persistance à me voir carmélite et carmélite auprès d'elle? Comme vous le pensez bien, ma mère, il n'y avait en cela aucun attachement naturel, c'était un désir que le bon Dieu lui-même lui mettait au cœur. Elle avait comme le pressentiment de sa mission et voulait me former selon les inspirations qu'elle recevait du ciel. Elle n'aurait pu souffrir que sa Céline suivît notre voie que sa petite voie d'amour et d'abandon, car dans les desseins éternels Céline devait être la première petite victime offerte après elle à l'amour miséricordieux. Comme je l'ai dit, le bon Dieu ne pouvait me laisser longtemps errer. Il avait vu la droiture de mes intentions. Il avait compté sur tous les efforts qu'il m'avait fallu faire et les incompréhensibles souffrances renouvelées à chaque parloir pour cacher à ma petite Thérèse, la sœur de mon âme, ma confidente, mon amie intime, j'allais dire, moi-même les projets dans lesquels on me berçait en secret. Ô ma mère que j'ai souffert, et cette souffrance s'est prolongée durant plusieurs années. Thérèse admira ensuite ma docilité. Il est vrai qu'elle fut bien grande, je le reconnais aujourd'hui, car si j'avais de l'attrait pour l'apostolat des missionnaires en pays infidèle je n'en avais aucun pour l'œuvre qu'on me proposait et si j'hésitais à y répondre ce n'était que par crainte de ne pas être où Dieu me voulait. Cette œuvre de zèle me donnant le change sur mes véritables aspirations, j'aimais tant Jésus en effet, que je n'aurais reculé devant aucun sacrifice. Je ne calculais ni avec ma peine ni avec mes répugnances et dans mes élans du plus parfait je penchais même pour l'exil lointain et la séparation totale de mes sœurs. Hélas je vois à présent combien ce beau zèle était entaché d'illusions. Je le vis même au moment où se déroulèrent ces événements parce que je m'aperçus qu'il y avait beaucoup de recherche de moi-même dans l'exécution de ce dessein. Partir si loin, au Canada quitter tous ceux que j'aimais, fonder une œuvre, tout cela c'était du merveilleux, le bon Dieu avait des desseins sur moi, sans doute j'étais une grande âme, une sainte en germe, pourquoi pas, sans bien m'analyser toutes ces pensées, Je suis cependant certaine qu'elles existaient en moi, sinon en théorie, du moins en action. Je mis le doigt sur cette vérité, lorsque je renonçais à ces projets et décidais d'entrer au plus tôt au Carmel, car cette résolution, une fois prise, le dégoût envahit mon âme, des répugnances pour la vie religieuse me devinrent une véritable torture. Je crois que le démon, me voyant enfin entrer dans la voie que l'amour de Jésus m'avait tracée, mit tout en œuvre pour me jeter dans le découragement et me faire abandonner mes desseins. Me croirez-vous, ma mère, si je vous dis que la pensée de revoir ma sœur chérie, de vivre aux côtés de ma Thérèse ne fit vibrer en moi aucun sentiment de joie? La consolation était loin, oh elle était si loin de mon âme, c'était une agonie. Je pense que cette épreuve fut une grâce miséricordieuse de Jésus qui voulait rendre mon entrée méritoire. Cette entrée après laquelle j'aspirais, depuis si longtemps, de toutes les forces de mon âme et de toutes les ardeurs de ma volonté, elle m'était donc offerte, j'allais l'accomplir sans avoir à subir de grandes séparations. Elle m'apportait même la réunion avec des êtres tendrement aimés et chose étrange je l'appréhendais comme on appréhende une pesante croix. Grâce à ces sentiments intimes, si en désaccord avec les apparences, je pus donc, sans que personne le sût, offrir à Jésus un réel sacrifice en embrassant la vie religieuse et participer ainsi au mérite des âmes qui abandonnent tout pour le servir. Oh combien je suis gré à mon Jésus d'avoir permis ces répugnances qui, à défaut de toi paternel à quitter me faisait me quitter moi-même pour répondre à son appel. Je me demandais avec angoisse quelle était cette vie obscure, cachée, quel était ce tombeau dans lequel j'allais m'ensevelir. Il n'y avait pas jusqu'au costume religieux qui ne m'impressionnât. Je me disais avec terreur, que deviendrai-je, quand j'aurai la tête entourée de linge. Moi qui aime tant avoir de l'air et la liberté de mes mouvements, repassant alors dans ma pensée la diversité des costumes, je voyais telles religieuses portant une guimpe empesée, telles autres des tuyaux tout autour de la tête, telles encore une sorte de rabat qui suit automatiquement les mouvements de la mâchoire, tandis que leur voile fait, au sommet de la tête tantôt le pointu, tantôt le carré. « Oh mon Dieu » m'écriai-je en me cachant le visage de mes mains, « mon Dieu c'est à cela qu'il me faut boire. Moi aussi je vais être une bonne sœur et participer à la disgrâce qui les entoure. Que ne suis-je un homme ? Que les pauvres femmes sont donc malheureuses d'être contraintes de s'affubler de la sorte. Ma mère, je n'en finirai pas si je voulais passer en revue tous les dégoûts qui assaillirent mon âme. » Mais comme autrefois dans un moment très critique j'avais dit à Thérèse, parle je me disais, à moi, marchais je marchais si bien que 6 semaines après la mort de mon père j'entrais au Carmel. J'aurais même effectué plus vite cette entrée si je n'avais voulu contenter ma famille et satisfaire aux dernières obligations qui me restaient. Éprouvée dans mon âme je ne l'étais pas extérieurement, toutes mes démarches réussissaient comme par enchantement. Du côté de ma famille je n'avais rien à craindre, j'avais 25 ans, j'étais libre. Je subis bien, il est vrai, quelques petites persécutions. On prétendait autour de moi que ma vocation était de rester dans le monde, que j'avais toutes les qualités d'une excellente mère de famille. Tant mieux, me disais-je, c'est justement ce qu'il faut pour se consacrer au bon Dieu. Et quoi est-ce qu'on se figure par hasard que j'embrasse l'état religieux pour m'enfermer dans un cocon et jouir dans le repos d'un stérile égoïsme ? Non, non, je ne veux pas d'une demi-vie mais d'une vie débordante et c'est pour devenir mère des âmes, de beaucoup d'âmes que je m'unis à Dieu par les liens sacrés d'un mariage mystique, bien plus fécond que toutes les unions de la terre. Je n'ai à ma disposition, à moi, qu'une vie. Je veux la donner à Jésus. Il a sacrifié la sienne pour moi, n'est-il pas juste que je lui rende la pareille et qu'à défaut du témoignage du sang, rendu en un instant, je lui donne tout mon être goutte à goutte, dans les 1000 sacrifices de chaque jour. Que le Seigneur est bon de nous avoir laissé la gloire de pouvoir être généreux. Oui, ma mère, malgré les répugnances dont je vous ai parlé tout à l'heure, ma résolution restait ferme et inébranlable. Ce n'était pas ces dégoûts qui allaient me faire oublier ou rejeter un projet longuement mûri, analysé et compris en ses multiples faces. Après tout, que m'importaient à moi les incidents de la vie, était-ce grand de ma part de me laisser effrayer par une forme quelconque de coiffure ou de vêtement, par une gêne due à des causes matérielles, c'est-à-dire bien au-dessous de moi, sur un misérable corps destiné à la dissolution? Oui, je comprends que ceux qui se livrent à Dieu abandonnent tout et, prenant d'une façon originale le contre-pied des mondanités ridicules qui déshonorent des créatures faites à l'image de Dieu, créatures émules des anges, je comprends que ces vrais philosophes fassent, par leurs excès, un geste de mépris au monde et je trouvais que la vraie beauté était de leur côté, beauté morale, solide et forte devant laquelle s'éclipse toute l'élégance du siècle, sic. Quant à mon choix définitif du Carmel, il était basé sur une conviction intime que là où il y avait plus de souffrance, il y avait plus de bénéfices, que là où il y avait une existence plus obscure, une mort plus totale à soi-même, jaillissait un rayonnement de vie plus intense et je préférais renoncer moi-même à des joies fugitives, pour mériter à d'autres les joies éternelles. Ce que j'entends ici par joie fugitive, c'est l'encouragement que donne la vue du travail accompli. On aime voir lever la semence que notre main a jetée en terre, et moi aussi j'aurais aimé exercer mon dévouement sur des choses positives, palper l'œuvre de mes mains. Je l'ai dit, la vie de missionnaire m'avait beaucoup souri, j'aurais voulu partir évangéliser des contrées lointaines. Ce désir était prononcé en mon âme comme il l'avait été en ma Thérèse chérie. À mon tour, j'ai été forcé d'avancer en détournant la tête. Je fais allusion à ce trait de notre vie, c'était pendant le voyage de Rome. Un prêtre nous passa une annale relatant l'apostolat de femmes missionnaires. En le recevant, les traits de Thérèse s'épanouirent, mais bientôt elle me dit, rend cet écrit à son propriétaire. Je ne veux pas le lire parce que j'exciterai par là des attraits que je ne veux pas suivre. Ce qu'elle voulait, c'était s'ensevelir au Carmel afin d'être oubliée et comptée pour rien, car elle estimait qu'il n'y avait d'œuvre féconde et durable que la seule sainteté dans l'amour total à soi-même. C'est aussi ce que je venais chercher au Carmel, mais j'ignorais alors le travail qu'il fallait s'imposer pour l'atteindre. Plus tard je vous parlerai, ma mère, des luttes et des difficultés que je rencontrais dans cette œuvre si simple en elle-même, mais que l'héroïsme seul accomplit. Je reprends mon récit au point où je l'avais laissé avant toutes ces réflexions. Je disais que du côté de ma famille les résistances avaient été faibles, mon oncle se doutait sans me l'avouer, de ce dénouement final. Il avait dû le pressentir à mes réponses négatives invariables, à chaque proposition de mariage, car l'état d'impuissance de mon père ne pouvait m'empêcher de fonder un foyer dont il aurait été la relique vénérable jusqu'à son dernier soir. Trouvant dans son chef un protecteur et un soutien, mon oncle savait bien cela, aussi me laissait-il tracer mes plans sans trop les contrarier les croyants, dans le fond de son cœur, le fruit de réflexions très mûries et par conséquent irrévocables. Du côté du Carmel, les difficultés étaient plus grandes et plus invincibles. Le supérieur, contrarié que Thérèse fût déjà entrée comme malgré lui, sur l'ordre express de Monseigneur Huguenin, avait toujours sur le cœur ce démenti donné à sa manière de voir et il avait juré que jamais la quatrième sœur n'entrerait dans son monastère. Personne ne voulait lui en parler. Je dus me charger seul des négociations. Je lui écrivis d'abord une lettre pour lui exposer mon désir et j'allais ensuite le trouver. Dès les premiers mots, il eut pitié de l'orpheline qui se mettait sous sa protection et me donna son plein consentement. Du haut du ciel, mon cher petit père m'aidait plus qu'il n'avait pu le faire pour sa pauvre petite reine, lorsqu'il l'accompagnait lui-même dans ses démarches infructueuses, plaidant sa cause sans résultat. Monseigneur Huguenin appelait à donner aussi son consentement pour cette exception extraordinaire qui constituait, j'allais dire, une infraction à nos règles, mais non, puisque le cas n'a pas été prévu, Monseigneur Huguenin consulté permis, sans hésitation, l'entrée immédiate de cette quatrième sœur, dans ce même couvent du Carmel de Lisieux. Le monastère étant très pauvre, on avait demandé mon admission en tant que bienfaitrice. Monseigneur répondit en me souhaitant d'être une parfaite bienfaitrice dans toute l'acception du mot. Je me promis alors de faire tout ce qui serait en moi afin d'être une parfaite religieuse et par là une source de bienfaits pour la communauté qui avait la charité de m'admettre dans son sein. Il ne me restait plus qu'à fixer le jour de mon départ, le 14 septembre, fête de l'exaltation de la Sainte Croix, fut choisie pour cette dernière entrée qui devait, en nous faisant toutes épouses de Jésus, réaliser les désirs de nos pieux parents. Je ne vois pas sans émotion cette fête désignée par la divine Providence pour clôturer la série d'holocaustes offerts par le vénéré patriarche qui, après avoir courbé son front sous la couronne d'opprobre, exaltait en ce moment au ciel les privilèges de la souffrance et les gloires de la croix. La veille de ce jour du départ, mes peines intérieures redoublèrent d'intensité et mes appréhensions furent si grandes que je passai la nuit sans dormir. Je me figurais les religieuses comme de grands spectres qui parcouraient lentement les cloîtres en récitant des De Profundis d'une voix monotone. Cette peinture me remplissait d'épouvante et vraiment ce n'est pas pardonnable à moi qui fréquentais tant de religieuses de me faire de pareilles idées, mais à mes yeux mes sœurs chéries étaient mes sœurs et rien de plus. Je crois bien que je n'avais pas songé qu'elles étaient des religieuses. Ainsi je n'avais vu que très sommairement leur habit et je n'avais jamais pensé à me l'analyser. Le matin du 14, je partais accompagné de mon cher oncle, de ma tante et de ma cousine Marie pour assister à la messe au Carmel et entrer aussitôt après notre action de grâce. J'eus beaucoup de chagrin de quitter mes bien-aimés parents qui m'avaient témoigné tant d'affection et avaient entouré la vieillesse de mon père de tant de délicatesse, du plus profond dévouement. Quant à ma cousine Marie, que j'aimais très tendrement, je savais qu'elle me rejoindrait bientôt et partagerait avec moi la même vie religieuse. Néanmoins la séparation fut très dure et bien des larmes furent versées, car mes parents m'aimaient beaucoup. Une fois que j'eus franchi la porte de clôture, toutes mes tentations s'évanouirent, la tempête fit place au calme et à la sérénité la plus profonde. Je sentais qu'enfin j'avais trouvé le lieu de mon repos, ma petite mère Agnès de Jésus. Alors prieur me conduisit dans notre cellule, où je trouvai mes deux sœurs Marie et Thérèse qui m'attendaient. Je vois encore le regard de ma Thérèse chérie m'accueillant au seuil de cette nouvelle existence que je commençais. Je compris, qu'en me voyant à ses côtés, tous ses désirs étaient réalisés et que bientôt elle pourrait s'envoler. Elle me semblait penser cela. Me prenant ensuite les mains, elle me montra, posée délicatement sur l'oreiller, un papier sur lequel était écrit en vers, et les enchantait, « Viens à nous, jeune fille, viens et sois parmi nous le diamant qui brille, ou l'étoile, fleur d'or, dont le monde est jaloux, viens dans notre jardin t'ouvrir, ô belle rose, que l'aube à pleine main de ses rayons arrose, viens à nous, jeune fille. Il manque à ma couronne une perle qui brille, nous a dit le Seigneur, et nous arrivons tous pour t'emporter du monde, avec nos ailes blanches, comme un essaim d'oiseau prend une fleur aux branches. Viens à nous, quelle ne fut pas mon émotion lorsque, m'approchant pour lire cette poésie, je reconnus l'écriture de papa. C'était lui qui me recevait dans cette demeure où l'amour de Jésus m'avait réservé une place. Le rosier, autrefois découronné par la tempête, avait à présent sa racine dans les cieux, et des rosières encore dispersées Jésus avait fait un bouquet. À cette vue, des flots de reconnaissance se pressèrent dans mon cœur et l'attendrissement fit jaillir des larmes que le chagrin et l'angoisse n'avaient pu faire couler. Je ne puis dire ce qui se passa en moi dans cette première entrevue avec mes sœurs chéries, nous ne nous dîmes presque rien. Je m'assis en silence sur le bord de ma paillasse comme le voyageur fatigué qui, après une longue absence, traversé par des périls sans nombre, reprend haleine en arrivant au port, n'osant croire encore à son bonheur. En un instant ma vie d'autrefois m'apparut comme un lointain souvenir, comme un cauchemar fatigant qui s'évanouit au réveil, au grand soulagement du pauvre patient qu'il a subi, que sont, en effet, ces vicissitudes du temps, ces incidents de la vie qui tissent nos journées humaines sinon un songe, une fumée qu'un souffle dissipe toutes ces choses, dit le sage, disparaissent comme l'ombre, comme le messager qui passe à la hâte, comme le navire qui fend l'onde agitée, sans qu'on puisse découvrir aucune trace de son passage, ni du chemin que sa carène s'est ouvert au milieu des flots. Sagesse, 5, 14, ainsi, je venais de quitter les choses irréelles au milieu desquelles j'avais vécu, pour me nourrir de vérité, je venais de quitter les ténèbres qui rendaient mes pas chancelants pour me baigner dans un océan de lumière, dont l'action directe sur mon âme ne serait plus entravée par les futiles sollicitudes du siècle. Voilà ce qui remplissait mon cœur d'une allégresse profonde, durable, d'un bonheur que je sentais ne devoir jamais s'éloigner de moi. Je ne ressentis point de joie naturelle en revoyant mes sœurs chéries, je n'étais pas venu ici pour elles, mais pour Jésus tout seul. Si je les trouvais au lieu de mon repos, c'est qu'elles-mêmes y avaient déjà dressé leur tente. Non, aucune affection de la terre ne fit alors abattre mon cœur. Le calme et la paix le remplissaient tout entier jusqu'au bord. D'ailleurs, cette réunion ne nous apportait qu'une présence sensible, nos âmes ne s'étaient jamais quittées. « Ô ma mère !» je m'écrie après Thérèse, « comment peut-on dire qu'il soit plus parfait de s'éloigner des siens dans le but de mieux servir le bon Dieu ? L'amour humain gênant n'existe point d'ordinaire entre les enfants d'une même famille et nôtre. Seigneur n'a pas crainte de choisir plusieurs frères dans son collège de 12 apôtres, jusque-là de répéter par 3 fois son appel de 2 frères, Pierre et André, Jacques et Jean, Jude et Jacques, Actes des apôtres, 1:13, il jugeait avec raison qu'il y avait là une force qui, mise à son service par des âmes totalement livrées à lui, produirait des merveilles. Il est vrai que les apôtres frères, après avoir été un instant réunis, se sont ensuite dispersés pour le service du Maître, mais nous aussi nous sommes tenus prêts à nous disperser au moindre signe de sa main. Et vous savez, ma mère, si Jésus a eu lieu de se repentir de nous avoir gardés ensemble dans sa maison. Mais sur la terre, on ne connaît pas le bon Dieu, on ne le connaît pas, on a des idées étroites, et lui nous les laisse suivre par condescendance, récompensant en chacun les intentions. Cependant, nul ne sait où est le plus parfait, tant que l'homme est sur la terre, il ne sera jamais assuré d'avoir les mêmes pensées que Dieu. C'est cette incertitude qui met, sur les lèvres de Thérèse, ces paroles qu'elle adressa à la vénérable mère Anne de Jésus, « Le bon Dieu est-il compte de moi ? Me demande-t-il autre chose que mes pauvres petites actions et mes désirs ? Le Seigneur, en effet, nous ayant créés libres, nous laisse une certaine intuition que chacun emploie comme il l'entend. C'est ce qui explique la différence des moyens pris par les saints pour atteindre leur but. Moyens qui, il faut bien l'avouer, ne manquent pas parfois d'originalité et d'une certaine bizarrerie. Aussi Dieu s'est-il donné lui-même et lui seul comme modèle suprême. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Voilà le modèle et la mesure. Si on demande le pourquoi de cette mesure, c'est encore le Seigneur qui daigne nous répondre en disant, « Soyez saints parce que je suis saint », étant notre but, notre fin. Il est juste que la participation à son état de sainteté soit exigée de nous et, pour accomplir cette œuvre, un stade nous est ouvert. La porte de ce stade c'est Jésus, puisqu'il nous dit dans le Saint Évangile, « Je suis la porte, celui donc qui entre par cette porte et qui court dans ce stade ne s'égarera pas ». Il est vrai qu'il y a certaines règles à observer, règles assez sévères qui sont les commandements de Dieu et de l'Église. Loi, sache que notre mère est libre de promulguer quand bon lui semble et qu'il faut absolument suivre sous peine de renoncer à la couronne. Cependant, lorsqu'on s'y enferme, il y a beaucoup de latitude. Quant au moyen secondaire de gagner cette couronne, c'est ce qui fait écrire au prophète, dites au juste que tout est bien, Isaïe. Mais où en suis-je de mon sujet ? Me voilà encore parti dans un dédale de réflexion, Si cela continue, je n'achèverai jamais l'histoire du pauvre tison si miséricordieusement arraché du feu par la divine main de Jésus. Avez-vous remarqué, ma mère, ce mot arraché qui caractérise si bien l'action violente qu'il a fallu pour le soustraire à la combustion? Oh ma mère, c'est cette action que Jésus a faite pour moi, il ne m'a pas prise, retirée, il m'a arraché des flammes qui ne cherchaient qu'à me dévorer. Et tout heureux de son exploit, il a déposé son tison enflammé sur la montagne du Carmel. Enflammé, oui il l'était vraiment, mais du seul amour de son libérateur. Jésus l'avait accaparé, possédé, à son contact, il avait pris feu pour ne plus jamais s'éteindre. Transporté dans ce nouveau foyer, ses ardeurs s'activeront sans doute. C'était le rêve de Jésus et celui du tison. Vous jugerez, ma mère, s'il en a été ainsi. Quant à moi, je l'espère de la miséricorde de Dieu, car, c'est vous Seigneur, qui avez opéré les merveilles des temps anciens et qui avez formé le dessein de celles qui ont suivi, et elles se sont accomplies parce que vous l'avez voulu. Judith 9, 4, c'est là tout le mystère de ma préservation. Merveille qui s'est accomplie non par mon propre mérite mais parce que le Seigneur l'a voulu. Je dis préservation, car au Carmel comme dans le monde, plus même encore que dans le monde, le démon convoite le tison de Jésus. Il s'assit au bord du foyer, guettant le moment favorable pour le soustraire aux flammes d'amour dans lesquelles il se consumait. Il le voulait pour lui à tout prix, aussi mon histoire athée. Elle quelque ressemblance avec celle de mon divin époux, je me suis en quelque sorte retiré au désert pour y être tenté par le démon. Avant de vous parler, ma mère, de ces combats dont je ne pourrai vous dire que quelques mots, il me faut reprendre le récit de mon entrée au Carmel. Je laisserai d'abord la mondaine philosophe exposer ses impressions. Après l'avoir entendue, vous verrez la carmélite apôtre, laissant de côté les théories, se mettre à la pratique et vous assisterez à ses luttes, plus fécondes hélas en défaite qu'en victoire. Après la première entrevue avec mes sœurs chéries, on me fit visiter quelques endroits de la maison, puis assister à certains exercices. Là je vis la communauté réunie, j'observai beaucoup sans en avoir l'air et je fus ravi de mon étude. Au lieu de me trouver au milieu de fantômes, j'avais pour société des êtres bien vivants. Était-ce des hommes, était-ce des femmes, on aurait vraiment pu se le demander. Un instant je me crus dans une communauté de moines, la pointe de figures efféminées, de manière molle et lâche. La nonchalance n'habite point dans cette enceinte, mais on y voit des visages mâles, des traits rudes et émaciés, les expressions sont franches, les allures pleines de vigueur. La pointe de serviteur ni de servante, l'égalité est parfaite, deux ou trois seulement suffisent pour suppléer aux travaux manuels quand la communauté récite l'office divin, car chacune se serre et serre les autres en lavant, frottant, balayant. Là le costume est à l'avenant des habitudes, une robe sans plis, une ceinture de cuir ne serrant point à la taille, le grand scapulaire qui tombe droit sans être retenu en aucune façon, l'ensemble est vraiment à l'aspect d'un habit tout viril. Et la coiffure? Ah mon Dieu, la tête est bien enveloppée de linge et de voile, hélas mais il y en a le moins possible, pas de bandeau sur le front, la guimpe n'est pas empesée, ce sont des plis vagues étant formés par une toile souple non replacée. Le voile fait comme il peut, il n'est retenu que par une petite épingle sur le sommet de la tête. Enfin ce sont les nécessités de la vie les plus simplifiées qui puissent se voir. Oh m'écriai-je intérieurement, quel est donc l'artiste qui a eu de telles conceptions et les a exécutées? Que c'est grand et beau, que c'est simple et que c'est vrai, je n'aurais jamais pensé trouver un genre de vie et des coutumes qui me plaisent autant. Quel bonheur, je ne serais pas tiré à quatre épingles, le décorum sera mis à tout jamais sous mes pieds, car c'est bien dans un désert que j'habite, il n'y a pas à s'y tromper. Où est le monde? Il me semble que je l'ai quitté depuis un siècle et que je suis à 100 000 lieues de lui. Oh ma mère, que j'étais heureuse en considérant la part que le bon Dieu m'avait faite. J'avais dû quitter le monde pour la vérité, J'avais divorcé avec les choses instables pour participer en quelque sorte à l'immutabilité de Dieu. Nulle expression ne peut rendre mon bonheur, car tout en m'y conformant dans le monde j'avais trouvé toutes les velléités de la mode. Je souffrais par exemple de voir qu'une frivolité que j'avais jugée belle et gracieuse devenait tout à coup méprisable et j'aspirais à la vie fortunée qui me donnerait dès cet exil une sorte de stabilité dans les choses. Si la simplicité des vêtements me ravissait, la rusticité du logis ne me charmait pas moins, ces murs blanchis de briques mal jointes, ces poutres à découvert, ces pavés grossiers. Ces pièces sans chaise puisque chaque sœur porte la sienne avec elle en s'asseyant modestement sur ses talons, tout cela m'allait entièrement. Dans ce milieu, pas de gens tristes, de visages préoccupés, de mécontents de leur sort. Quel contraste si on place en regard les exigences de la vie mondaine, ses impuissances, ses déboires, ses désespoirs. Oui, le sort de la pauvre carmélite, content de peu, vivant de rien, est bien supérieur, quant à la somme de bonheur dont elle jouit, à celui du riche qui se dessèche de désirs insatiables et ne dit jamais, c'est assez de fortune, assez de plaisir, assez d'honneur. Oh, c'est bien là cette école de vérité que je cherchais et qu'il m'était impossible de rencontrer chez l'affamé, le fiévreux, le névrosé de nos cités. Que le Seigneur soit à jamais béni d'avoir en moi relevé le malheureux de la poussière, retiré le pauvre du fumier pour le faire asseoir avec les princes de son peuple. Psaume 113, 7, Marc M. Dan d'après, Archive Carmel Lisieux.fr, Licence Creative Commons, pas d'usage commercial.